Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Donc je vous ai pris un peu des marques différentes pour que vous voyez les différents rendus que ça peut donner. Alors ça c'est vraiment la forme la plus basique, la plus élémentaire qu'on peut avoir dans l'art. Vous voyez, je raye mon ombre, je fiche complètement que ça soit net, propre, c'est pas du tout du. C'est une signature. C'est une signature, mon grand. C'est un tag agrandi, en fait. Une histoire du trait, deuxième épisode, dessiné sur les murs. Alors là, je vous ai pris une bombe. Ça se vend dans les magasins spécialisés. C'est assez cher. C'est fait pour peindre vite et gros. Donc là, il faut que vous teigniez éloigné. Il y a énormément de pression. Vous allez l'entendre tout de suite. Si on tente de faire une histoire du trait, il faut remonter vraiment très loin dans le temps. Jusqu'à la préhistoire, jusqu'aux traces de doigts et aux gravures des grottes ornées qui ont fini par beaucoup inspirer les artistes. Comme d'ailleurs les graffitis anciens ou même plus contemporains. Comme une envie de retrouver quelque chose qu'on imagine plus instinctif et plus authentique. Il y a quelques années, l'archéologue Julien Monnet m'a fait ramper dans des boyaux de pierre jusqu'à une petite cavité au fond d'une grotte dans laquelle on pouvait à peine s'accroupir. Un tout petit espace arrondi, là il a allumé sa lampe de poche et rien, ni mammouth, ni bison. Mais peu à peu, avec la lumière rasante sur la paroi, sont apparues des lignes, des griffures, comme un énorme gribouillage indéchiffrable et confus. Et puis son doigt a suivi les lignes gravées dans le calcaire et là a surgi un petit bouquetin, un petit cheval, un triangle, des damiers et des créatures étranges. Ils avaient dû y passer des heures, des jours, ou bien y ajouter une gravure de temps en temps pendant des centaines d'années. Mais en tous les cas, ils étaient soudain très proches. Je les sentais derrière moi, en rampant sur le chemin du retour, comme une main sur mon épaule, des graffiteurs avant l'heure qui avaient entendu l'appel du mur. Oui, ça se vide vite. Hein. Ouais. Ça coûte, je sais pas moi, 9 euros, je crois, quelque chose comme ça. 9 euros en une minute, donc si vous faites un peu gros, ça fait un budget tout de suite. Oui, mais en même temps, c'est efficace, parce que vous avez peint, recouvert pratiquement 4 mètres carrés en une minute. Ouais. Pour repeindre une chambre, ça va, j'utiliserai ça désormais. Ah, non, mais vraiment, c'est impressionnant. Le bon modèle, la comparaison, c'est le wagon. Ils sont pas un wall car, c'est-à-dire le wagon de haut en bas et droite à gauche, avec des bombes classiques, des bombes d'avant, il vous aurait fallu, une bonne heure. Avec ça, on peut le faire en 5 minutes. Donc, c'est donc tout l'intérêt de ne pas se faire prendre. Ça va vite, pas se faire prendre, parce qu'il y a de plus en plus de sécurité, donc il faut aller de plus en plus vite et il faut s'adapter. Les industriels ont parfaitement compris ça. Ils nous offrent des produits adaptés. Du commerce. Les grandes figures de Lascaux sont faites beaucoup à la peinture soufflée. Vous imaginez, hein, on met le pigment dans la bouche et on souffle et on se serre des mains ou de pochoirs pour faire des limites. Je sais pas, mais physiquement, c'est un investissement très fort. Hein. Alors, essayez de vous mettre du pigment dans la bouche et faire des grandes figures qui font presque 2 mètres de long, vous allez voir que du souffle, il en faut. Hein. Complètement. Alors, je suis SIC, 313. Je fais des graphes depuis 1987. Là, on est sur la corniche, il est 10h du matin à Marseille. donc au bord de la mer. On est dans un endroit qui est un peu caché, où là pour l'instant il n'y a pas trop de monde, il y a juste un peu quelques baigneurs devant nous. Cet endroit il est un peu atypique parce que voilà, il y a un grand mur, des gros cubes en béton qui sont des brise-lames. Donc là je vais m'attaquer à un ou deux cubes en béton. L'idée c'est pas de faire quelque chose de très beau ou quoi que ce soit, c'est plus de vous montrer en fait les différents traits qu'on est amené à faire en fonction du matériel, des embouts, etc. Mais là, vous allez faire un truc interdit, vous allez recouvrir quelqu'un d'autre ? Non, alors là, ça, on a des codes. Donc là, effectivement, c'est interdit, mais est-ce que vous... Donc, c'est un grand clitoris vert. De ce que je peux voir... Ah oui, j'avais même pas vu. De ce que je peux voir, c'est quelqu'un qui est débutant, manifestement, et donc c'est pas trop grave. Alors, c'est vrai qu'on a des règles... On repasse pas normalement une fresque bien aboutie et c'est mal vu. Comment dire, quand on repasse, il faut faire mieux par-dessus. Il y a comme technique pour faire ses dessins, pour faire ses gravures dans les grottes ? Il y a les techniques qu'on a par enlèvement de matière. C'est ce qu'on appelle la gravure, entre autres, ou la sculpture. C'est-à-dire qu'ils prennent un silex et puis soit ils incisent directement la paroi en faisant un trait, soit ils vont travailler la matière en enlevant cette matière. Après, il y a... De l'argile, par exemple ? De l'argile, du calcaire. Et il y a les ajouts de matière. Alors les ajouts de matière, c'est tout ce qui va faire appel au pigment, entre autres. Elle, c'est Carole Fritz. C'est la directrice de la grotte Chauvet et c'est une archéologue spécialiste de l'art pariétal qui passe chaque année quelques mois dans l'obscurité et la fraîcheur de la grotte Chauvet, émerveillée par la course des animaux qui se déploient sur les murs. La gamme des pigments, elle est relativement restreinte puisque c'est quoi ? Pour le noir, on a du charbon de bois ou du manganèse, donc ou après tout ce qui est oxyde de fer pour la couleur, en partant du rouge foncé jusqu'au violacé en passant par l'orangé. Et la qualité de l'artiste va être d'arriver à exprimer ce qu'il veut. Sa qualité, ça va être de multiplier, même avec un charbon de bois, jouer avec la matière de la surface et le volume de la surface pour y inscrire l'animal qu'il a envie d'y inscrire. Donc là, pour vous expliquer, je fais un flop. Alors les flops, c'est souvent en deux couleurs. En fait, une couleur d'intérieur, une couleur de contour. On doit pouvoir faire gros, vite. C'est souvent des formes rondes. Et on les enchaîne comme ça. Donc à la base, en fait, c'est vraiment sur les trains à New York. Il y avait sur les trains à New York où l'idée, c'était de saturer la ligne. Et donc, c'est Face2 qui a inventé ça. Ça date des années 70. Et depuis, c'est la forme stylistique la plus utilisée dans le monde du graphique. Ce qu'il faut, c'est que à la fin, on puisse arriver à lire deux lettres. Alors, et là, vous avez mis quoi comme lettre ? SE. Un point d'exclamation. Faire autre chose, je vais prendre un embout, un fat cap. Les embouts les plus utilisés. C'est donc le ralentisseur et ce qu'on appelle les fat caps. Alors il y a plein de sortes de fat caps. Le plus classique c'est celui à la pastille rose. Comprenez avant qui les vend, on les prenait sur des bombes pour nettoyer les fours, sur les décapes fours. Donc c'était tout un truc d'aller dans les magasins, de piquer les embouts, et les marchands devenaient complètement dingues parce que pour un embout le produit est foutu quoi. Donc et parfois vous alliez dans des magasins, tous les décapes fours, il n'y avait plus d'embout quoi. odeur différente. Complètement. Vous avez senti ça, ouais. Alors, ça va sentir le bonbon, ça va sentir l'acétone, ça va sentir plein de choses différentes. Dans tous les cas, c'est toxique. Alors celle-là, par exemple, a été bouchée. Je pourrais la jeter. En fait, je vais la garder pour l'éclater. Donc, il faut prendre un truc pointu en métal. On perce la carapace. La peinture sort d'un coup. Bah, voilà, la peinture, c'est cher. Ça serait con de la jeter. Ça me servira pour faire un tout petit remplissage. Les outils, c'est relativement simple. Tout ce qui est incision, ça va se faire avec du silex. Il n'y a pas de métal hein, à cette époque-là. Alors, on a des traces de pinceaux hein, sur certains traits, on les voit en macrophotographie. Alors, vous dire si c'était fait avec du poil de bison ou du poil de cheval, je ne peux pas vous le dire. Après, un charbon de bois, c'est très simple. Hein. Il suffit de prendre un morceau de charbon de bois, adapté à ce qu'on veut faire, et ils arrivent à faire des traits larges, fins, très fins. Et c'est pareil pour les outils en silex. Hein. Ce sont des très grands tailleurs de silex. Hein. Ils savent parfaitement aller chercher l'outil dont ils ont besoin. Et est-ce qu'on dessine au doigt ? Oui, oui, bien sûr, le doigt, bien sûr, j'oublie le doigt. On a ces traces de mains, on a ces traces de doigts. On voit qu'ils vont mélanger également les pigments directement sur la paroi. Et on est toujours à la recherche de l'empreinte digitale qu'on ne trouvera jamais. Et c'est vrai que ça fait comme un vertige, ces gestes si familiers de tracer des formes sur un mur et cette distance dans le temps. Et c'est ce qu'a voulu montrer Francesca Alberti, historienne de l'art et responsable du département d'histoire de l'art de la Villa Médicis à Rome, et qui est la commissaire de l'exposition consacrée au gribouillage qui s'est tenue là-bas en 2022 dans la fraîcheur des salles aux murs de pierre épaisse. L'idée de cette partie de l'exposition, c'était vraiment de montrer comment il y a un certain nombre de surfaces qui demandent à être attaquées par le geste graphique. Vraiment qui s'offrent au geste graphique, à la fois parce que parfois c'est des surfaces très propres, très belles, avec un enduit qu'on a tout de suite envie de barbouiller. Et donc ici, on est en face d'un morceau de marbre cipolin qui est épais à environ une quinzaine de centimètres, qui pèse à peu près 250 kilos. Et ce qu'on voit dessus, c'est donc un graffiti qui date probablement du 1er au 2e siècle après Jésus-Christ et qui montre un fragment d'un dessin plus grand. On n'a pas l'intégralité du dessin, mais on voit probablement une figure masculine qui tient la main à un enfant. Et cet enfant, par contre, on le voit bien parce qu'il est un peu plus bas et le fragment nous permet de voir l'intégralité de sa figure. Et on voit cet enfant tenir ce qu'on pourrait être un morceau de palmier, une branche de palmier. C'est un fragment qui vient du Colisée, de la cavea du Colisée, là où le public s'asseyait. Et dans ces représentations qui étaient celles de ces jeux, ces spectacles qui s'étaient au Colisée, on y passait beaucoup d'heures, parfois même beaucoup de jours. Et donc le public passait son temps aussi à graffiter, en fait, à inciser les pierres, ces morceaux de pierre dans lesquels on s'asseyait. Donc c'est un morceau de cavea dans lequel on voit probablement un père qui accompagne son fils dans le Colisée. Comme il arrive souvent dans ce type de graffiti, ce que l'on voit, c'est le contour. Donc c'est un contour incisé à plusieurs reprises, parce que la main doit revenir à plusieurs reprises. Et on voit le contour, on voit les yeux, le pétiné, la bouche, il y a une espèce de tache qui montre le menton, les bras, le petit vêtement et les deux pieds, mais de manière très rudimentaire, puisque évidemment, attaquer avec un instrument dur ce type de pierre, c'est difficile, on ne dessine pas comme on dessine sur une feuille de papier. Or, ce type de dessin... Puisque ce n'est pas des dessins de la main de l'artiste, on les a souvent qualifiés de graffiti, de scarabocchi, à la Renaissance on parlait de fantoche, et donc de dessins qui étaient de seconde importance. C'est une chose qui est très belle en regardant ce morceau de marbre, parce que bien sûr il y a le dessin incisé, gravé dedans de manière assez forte, mais après, quand on le regarde attentivement, on voit que toute la surface et marqué par des griffures beaucoup plus fines mais qui montrent le passage du temps. Probablement ce morceau de marbre porte en lui la trace de ce temps très long, du temps qui vient s'inscrire de manière informe, indéfinie sur sa surface. Qu'est-ce qu'on trouve sur les murs ? On trouve toutes sortes de gestes qui racontent une temporalité à longue échelle, à si longue échelle que le geste lui-même en devient atemporel, semble traverser les âges. Diane Bodard est historienne de l'art, spécialiste de la Renaissance, et c'est l'autre commissaire de cette exposition Gribouillage qui nous fait voir l'histoire du dessin d'un autre œil. Il peut s'agir de dessins d'enfants, il peut s'agir d'incisions sur le mur, il peut s'agir d'images potentielles qui ont été créées par l'usure du temps qui les arde, qui déchire la paroi. Donc on a, en fait, le graffiti recoupe par moments la notion de gribouillage, mais effectivement est très attaché à son support dans des lieux souvent liés à un contexte urbain, des lieux d'enfermement aussi. Et le geste qui s'y inscrit, de ce fait, peut être le fruit d'une frénésie graphique qui va se déployer sur toute la surface. Il y a ce proverbe célèbre qui dit « muraille blanche, papier pour les fous ». Muraille blanche, papier des fous, c'est un proverbe qui se retrouve déjà à la Renaissance et qui est souvent, de manière assez négative, utilisé pour qualifier les dessins qui se trouvent sur ces murs qui ne sont pas destinés à être occupés par des graffitis, par des barbouillages, par des inscriptions. Et donc, je dirais, pour qualifier ces dessins et les mains de ceux qui l'ont fait, pour les dénigrer, on associe ce geste à celui des fous, c'est-à-dire de l'insensé, de celui qui manque de raison et qui donc essaie d'occuper toutes sortes de surfaces vierges. Et c'est cette dimension pulsionnelle qui génère l'inscription graffitée. Parfois on parle par exemple des murs des églises, parfois c'est les murs extérieurs, parfois c'est les murs des tavernes. Ça, c'est des bombes qui ont beaucoup de pression. Donc ça, c'est plutôt fait pour peindre en vandale. Comme la peinture sort plus vite, évidemment, on va plus vite. Et donc, aussi, une des particularités de ce genre de peinture, de ce genre de bombe, c'est que le trait est pas très précis. Et les vapeurs, en fait, qu'il va y avoir là, sur le côté, là, vont faire un peu de remplissage. Donc ça, c'est le genre de truc, vous voyez, partout sur les voies ferrées, les autoroutes, c'est souvent en chrome. Le graffiti fait partie de ce que l'on considère, en fait depuis le 19e siècle, depuis qu'il a été interdit de occuper l'espace public graphiquement, les murs, les façades, en fait la façade qui est d'ailleurs est vraiment cette idée de visage de la ville. Donc ce visage, il ne doit pas être défiguré, il ne doit pas être défait. Et donc on interdit le geste graphique du graffiti. Déjà, il faudrait faire attention au fait que le graffiti, avant d'être interdit, ne l'était pas du tout, en fait. Dans les villes de Pompéi, dans les villes anciennes, il y avait un urbanisme graphique extrêmement puissant, extrêmement chargé, extrêmement polyvalent, hétérogène, qui allait, en fait, de l'écriture officielle et autoritaire à l'écriture individuelle et autonome et spontanée, dans laquelle il y avait aussi une dimension interdite, qui était celle, par exemple, des dessins diffamatoires, qui ont toute une grammaire de signes type corne, vulve, phallus, visage défiguré, caricature et toutes sortes de choses. Mais là, c'était vraiment le signe, en fait. C'était la diffamation par le signe, par la figuration, qui était en fait, considérée comme criminelle. C'était pas l'acte de dessiner sur le mur. Or, du moment où ça devient... Aujourd'hui, on a cette idée du graffiti comme étant immédiatement interdit. Même dessiner dans les maisons. On ne dessine pas sur les murs des maisons. Or, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, on pouvait tranquillement dessiner sur les murs, on pouvait tranquillement s'envoyer des messages sur les murs. Donc il y avait aussi cet aspect d'écriture domestique. Skills. Skills. Skills. Alors, qu'est-ce qu'on risque? On risque, alors, la loi, il y a deux articles de loi, principalement. Dégradation de biens privés et dégradation de biens publics. La loi a été changée au fur et à mesure. Il y a très longtemps, on risquait rien du tout. Quand on se faisait attraper, éventuellement, on se faisait taper dessus ou peindre ou des choses comme ça, mais c'était pas très grave. Et avec le temps et certaines radicalisations de la société, Il y a des exemples de gens qui sont allés en prison, qui ont payé des amendes colossales. Vous avez déjà été condamné ? Moi, oui, nombreuses fois, oui. Oui, oui, j'ai été condamné souvent. Mais ça fait partie du jeu, hein. Forcément, au bout d'un moment, on se fait attraper. Dans les villes, il y a des caméras, dans les dépôts de train, il y a des caméras, il y a des gens qui nous voient, qui appellent les flics. Brassailles, en 1964, sur France Culture. Oui, ça m'a beaucoup frappé. C'est justement en photographiant Paris la nuit et des murs que j'ai constaté à quel point le mur est riche comme expression et nous ramène à une chose très lointaine, c'est-à-dire vraiment à l'origine de l'art, puisque les premiers hommes s'exprimaient aussi sur le mur. Et c'est un art absolument spontané. Et comme j'ai dit, c'est le tableau noir de l'école buissonnière. Il y a des désirs politiques, sexuels, tout ça, ça s'exprime sur le mur. Et c'est pourquoi Picasso aimait toujours les graffitis. Et la dernière fois, quand j'ai vu Picasso, il m'a annoncé avec beaucoup de joie, en pensant me faire plaisir, que Brassailles, vous savez, maintenant, je fais des graffitis. Et j'ai fait des grandes graffitis pour les murs d'une maison à Barcelone. Dans le paysage graphique urbain, on peut trouver ces gestes qui, à la fois, altèrent la surface urbaine, mais sont aussi intensifiés par la violence de leur message. Et on en a des exemples anciens. Alors évidemment, on peut penser au graffiti de Pompéi, mais aussi pour des contextes comme la Rome de la Renaissance ou de l'époque baroque, on a de très beaux témoignages qui ne sont pas nécessairement sur le mur, mais qui sont des éléments de mur qui ont été détachés, à savoir des placards infamants. De quoi il s'agit ? Il s'agit de billets, de morceaux de papier, qui étaient accrochés sur les façades, sous les portes de la ville de Rome. Ils étaient accrochés la nuit, et les gens les découvraient le matin. Et très souvent, en fait, ils venaient vilipider, insulter, dénigrer des hommes ou des femmes en entachant leur honneur. Donc souvent, c'est l'image des cocus, il y a toute une profusion de cornes, de même que pour les femmes, il y a toute une profusion de vulves ou de phallus qui associent les femmes à des prostituées, etc. Donc ces papiers, une fois qu'ils étaient découverts le matin, les personnes à qui ils étaient adressés les amenaient au tribunal du gouverneur de Rome. Et en général, ils posaient plainte, et au moment de la plainte, ils portaient l'objet du délit, je dirais, et racontaient l'histoire. Ils racontaient qui était potentiellement la personne qu'ils avaient accrochée à la faveur de la nuit. Donc il y a dans ces grands registres tout le procès, parfois ça peut durer 200 pages, d'interrogatoires croisés avec différents témoins, parfois des enfants, puisque souvent c'est les enfants qui les dessinaient. Les adultes, dans la Rome du XVIIe et XVIIIe siècle, en particulier du XVIIe, ne savaient pas tous écrire. Et ils demandaient aux enfants, à une époque où ils commençaient en fait à généraliser l'éducation écrite, de dessiner ou d'écrire pour les adultes. Ma l'onore, signori miei, l'onore. Che cos'è l'onore? Terremo ancora per valida la definizione che di esso dà il Tomaseo. C'est vraiment une tradition qui a eu une très longue fortune, et on la retrouve encore dans un film de Pietro Germi où il y a Mastroianni, Marcello Mastroianni qui, dans ses divorces à l'italienne, pour se défaire de sa femme, il dessine lui-même des placards infamants pour se définir cocu. Et donc il dit, voilà, je suis déshonoré, enfin je peux quitter ma femme puisque je suis déshonoré. Tacitiane tra l'altre come questa che in una sola parola compendia la sorte dell'infelice Mariannina, cornuta, o come questa che addirittura affida alla icasticità dell'immagine l'espressione del pensiero. Cornuto, cornuto, disonorato, il mio nome, il Cefalù. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il y a une grammaire de signes, une grammaire d'éléments, que l'on retrouve encore ensuite sur les murs des prisons, que l'on retrouve, par exemple, encore dans les dessins de Cy Twombly, qui n'hésitait pas à dessiner des phallus allongés, pas la verticale, comme on fait aujourd'hui, en se réfaisant à ces signes qu'on trouvait sur les murs antiques. Et donc, voilà, il y a une vraie persistance de cette grammaire visuelle, et on voulait montrer comment cet espace urbain définit aussi un geste, une sorte d'écriture, qui est celle des murs de la ville. Et ces murs de la ville, ensuite, ce sont ces mêmes murs de la ville qui viennent réinterpréter, remis en jeu par des artistes tels que Basquiat ou Dubuffet. Vous savez, le mur, c'est un peu, pour un citadin, c'est un peu la nature. On est entouré de murs, et surtout une ville comme Paris, où il y avait beaucoup, malheureusement ou heureusement, des murs de taudis, et dans les quartiers, n'est-ce pas, des rues, des murs délabrés. Brassailles, en 1961, sur la RTS. Ça, je trouvais une certaine beauté dans ces choses, et j'ai commencé à photographier. Aussitôt que j'ai commencé à faire des photos, oui. D'ailleurs j'ai publié dans Minotaur même une page de graffiti avec un texte que j'ai écrit à l'époque. Et je me rappelle, c'est Paul Éluard qui a donné le titre, il l'a intitulé « Du mur des cavernes au mur d'usine ». N'est-ce pas, c'était le titre. Depuis évidemment, mes graffitis ont pris le chemin... traverser l'Atlantique parce oui. qu'il y avait une exposition au musée d'art moderne et c'est assez bizarre de voir, n'est-ce pas, à New York, dans un musée, des choses que des anonymes, des gosses ont dessinées sur les murs de Paris. Moi, je trouve que l'art a pris le chemin du mur et des graffitis, l'art moderne, parce qu'on cherche des matières, parce qu'on veut retourner à une... simplicité, une forme, des formes élémentaires, et beaucoup de tableaux aujourd'hui que vous voyez dans les galeries, eh bien, sont des fragments de murs. L'intérêt qu'il y a à aller chercher le graffiti est d'aller chercher le refoulé de la culture, ce qui est produit à la marge ou au revers de portes de sanitaires, disons dans des endroits qui ne sont pas les endroits les plus visibles. Lui, c'est Hugo Daniel, il est historien de l'art et chez lui, au milieu de plantes vertes et de boutures, il nous a parlé de l'histoire du regard des artistes sur le graffiti. Comment était perçu et regardé le graffiti avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale ? Le graffiti était considéré comme une marge, hors des catégories proposées par le système académique. Il est hors du champ de la création selon ces termes-là. Jusqu'à ce que des artistes s'y intéressent ou jouent avec, ça c'est particulièrement vrai au 19e siècle, la fin du 19e siècle, ou s'y intéressent pour des formes artistiques. Et ça c'est plus vrai dans le contexte surréaliste notamment. Après la Seconde Guerre mondiale, on redécouvre dans les lieux de détention, les prisons, les camps, des graffitis sur les parois des murs. Soudain, ces graffitis donc deviennent la trace primordiale du passage de personnes qui ont pu être soit déportées, soit résistantes, soit notamment des écrivains comme Henri Calais vont chercher, c'est le cas de Calais, dans la prison de Fresnes, ces inscriptions qu'il reproduit dans un ouvrage qui s'appelle Les Murs de Fresnes, qui est publié dès après la guerre, et qu'il transcrit et auquel il s'intéresse comme aux traces d'une forme de résistance au sens du mouvement et du geste politique, mais aussi de manière plus générale, qui associe cette pratique à une forme de résistance et de témoignage d'un passage. Et puis il donne à voir par là aussi le fonctionnement de ces graffitis, où on laisse une trace, on communique avec un détenu qui nous a précédés et espérons avec ceux qui succéderont, où on laisse une dernière trace en sachant le funeste destin qui nous attend. Donc soudain, le graffiti est associé à une toute autre idée que celle auquel il a pu être associé dans le passé, soit une forme de déviance ou de marginalité complète. Picasso m'a dit que chaque fois qu'il voit une graffiti, il s'arrête, il regarde et quand il était jeune, il les a copiés même. Brassailles, en 1961, sur la RTL. Lui-même, il a laissé beaucoup de graffiti sur les murs, dans les rues de Montmartre. Et même il n'y a pas tellement longtemps, un jour, il a gravé un graffiti dans une banque. Sur le mur, on était en train de remanier la banque. Le directeur a appris que c'était de lui. Il a arrêté les travaux. Il a fait découper le graffiti comme si c'était une fresque et il a fait aménager dans son appartement. Je vous remercie, Brassailles. Je rappelle le titre de ce bel album, Graffiti par Brassailles aux éditions du Temps. Et dans le même moment, des historiens de l'art comme Louis Réau, qui ne font certainement pas partie des historiens de l'art les plus progressistes, voient dans, effectivement, le graffiti une forme de vandalisme, d'atteinte au patrimoine, et ils voient donc un danger, même pour les graffitis historiques. Et des artistes comme Asghar Yorn, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Signes gravés sur les églises de l'heure et du Calvados », eh bien discutent les thèses de ces historiens en revendiquant justement une forme de vandalisme, qu'on pourrait dire un vandalisme positif, cherchant justement dans ce que le graffiti a non seulement de subversif, mais de corrosif, cherchant donc cette efficacité propre au graffiti qui permet d'attaquer la culture dominante. Et c'est véritablement par cette, je dirais, récupération et par l'intérêt que l'avant-garde a pu porter pour ces pratiques qui sont en dehors de l'art, que ces pratiques reviennent dans la sphère artistique. Et je pense que ce que les artistes ont vu, c'est pas seulement la dimension criminelle, mais c'est vraiment la dimension primitive de cet acte. Et c'est cette dimension primitive qui fait qu'on a pu très facilement voir, par exemple, dans les graffitis des enfants dans New York des années 30, quelque chose d'aussi primitif que les signes qu'on a pu trouver dans des grottes. Alors justement, qu'est-ce qu'on y voit, Carole Fritz, dans ces grottes? Ce qu'on a en tête, c'est surtout des animaux, mais qu'est-ce qu'on trouve comme représentation, comme dessin, comme forme? Alors, principalement des animaux. Au milieu de ces images animales, il y a ce qu'on appelle des signes, c'est-à-dire des figures géométriques qu'on ne sait pas expliquer. Et on a les 6% de figures, on va dire, anthropomorphes, alors qui sont humaines, mais qui peuvent être humaines, mi-animales, ou humaines, mais jamais réalistes. Ça, c'est très particulier et très spécifique de cet art du paléolithique. Donc, on est entre, on va dire, moins 38 000, moins 12 000. À cette époque-là, l'humain, le message ne passe pas au travers de sa propre image, mais au travers de l'image animale. Et quand vous parlez de signes, est-ce que vous pouvez nous en décrire un ou deux pour qu'on puisse se faire une idée? Alors, ces signes géométriques, vous avez des alignements de points, des rectangles à partitionner à l'intérieur avec des couleurs différentes, comme on peut voir à Lascaux. Il y a tout un système graphique, géométrique. Le mot « signe », c'est un fourre-tout en réalité, faut être honnête. Autant, alors, quand on analyse l'art, l'histoire de l'art, nous, humains du XXIe siècle, on a l'habitude de se projeter, de se reconnaître au travers de l'image humaine. Et là, on se retrouve avec des images animales et des signes géométriques. Ben, on est juste pour le moment capable de dire, ben, y a un signe là. On retrouve ce signe là peut-être dans une autre grotte, mais c'est très très compliqué d'associer dans un récit ces signes et ces animaux. Maria Stavrinaki est historienne de l'art et elle travaille sur la façon dont la découverte de l'art pariétal a changé le regard de certains artistes. Mais la question, c'est aussi de savoir quand et comment on a été capable de voir l'art pariétal. Avant la découverte de l'art pariétal, est-ce que les historiens de l'art ou les artistes s'étaient imaginé un art préhistorique? Ah, pas du tout. Ce qui caractérise la préhistoire, c'est que c'est un objet théorique qui a fait éruption d'un coup et qui ne pouvait pas du tout être assimilé par la trame cognitive et symbolique de l'Occident. Donc la préhistoire ne pouvait pas être lue en tant que telle. Et c'est la raison pour laquelle les toutes premières découvertes, disons, symboliques de la préhistoire ont été éprouvés, je dirais, par ce que j'appelle la stupeur. C'est-à-dire, les premiers artefacts, ils ont été trouvés dans des sédiments qui étaient très clairement identifiés comme étant préhistoriques. Et le premier archéologue qui les a trouvés, il a écrit dans son article de façon extrêmement neutre, dans une écriture comme ça d'une neutralité un peu grise. Il s'agit donc d'artefacts symboliques très finement gravés, etc., qui appartiennent à des gens qui sont celles de la préhistoire. sans commenter. C'est-à-dire qu'il n'avait pas proprement assimilé sa découverte. Et donc, il va falloir plusieurs années pour que les premiers récits historicisants puissent interpréter l'art de la préhistoire. Et alors justement, Maria Stavrinaki, comment est-ce que les artistes se sont emparés de ces images préhistoriques, de ces sculptures, de ces peintures rupestres quand ils y ont eu accès? Alors bon, ça a pris du temps. Il y a eu plusieurs moments et il y a eu plusieurs modes, voilà, d'usage de ces images de la préhistoire. Les premières tentatives étaient réalistes. Il fallait reconstituer quelque chose qui nous échappait, qui était extrêmement lacunaire. Et puis, c'est parce que précisément la préhistoire a ce caractère complètement énigmatique et lacunaire qu'elle est devenue intéressante pour les artistes modernes. Au moment où on clamait que tel ou tel médium, la peinture avant tout, vivait sa fin. Lorsqu'on commence à parler de la fin de quelque chose, lorsque le statut même de l'art est en danger, l'origine revient de façon presque automatique. Et des artistes comme Miro, par exemple, Miro, il va convoquer la préhistoire à plusieurs reprises dans son œuvre. Lorsque, par exemple, Aragon ou d'autres disent « Mais non, la peinture est finie. » Et donc, il va recourir à la peinture pariétale pour réactiver la peinture. Miro, vous m'avez dit récemment « Voilà où j'en suis, plus loin que la peinture de Chevalet. » Qu'entendiez-vous par là ? Miro, en 1951, sur la RTL. Oui, évidemment, parce que j'estime que la peinture de Chevalet n'est qu'une chose expérimentale, une chose de laboratoire par laquelle est nécessaire passer, mais qui doit nous amener beaucoup plus loin que ça. Il est encore nécessaire que les peintres fassent de la peinture de Chevalet, au moins à une certaine période de leur vie. Ah oui, évidemment, comme recherche de laboratoire. Mais vous voudriez qu'ils s'en évadent très rapidement. Ah, évidemment, oui, évidemment. C'est un stade trop individualiste. C'est cela, oui, une chose trop individualiste. Et alors, vous voudriez quoi à la place? Écoutez, moi, je voudrais avoir un contact physique, pour ainsi dire, avec les gens, avec les peuples, avec les hommes, quoi. Aller jusqu'à un art collectif. C'est ça, oui. Et anonyme. Et anonyme. C'est cela, oui, anonyme, comme dans les grandes époques. Les artistes, les premiers rapports qu'ils ont, les premiers contacts qu'ils ont avec la préhistoire est d'abord à travers les reproductions dans des revues. Et ce sont des reproductions qui les invitent à sortir du temps et à sortir de la périodisation historique. Les grottes, en tant que telles, vont commencer à être visitées après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans les revues, on va reproduire surtout des représentations d'animaux, mais il y a aussi quelques représentations abstraites. Quand on voit, par exemple, la façon dont Picasso a fait son Minotaure, donc au début des années 40, c'est clair qu'il était parfaitement conscient de cette frappe, de ces marques. C'est ça qui l'intéressait. Il y avait des artistes, par exemple Giacometti, on sait très bien qu'il avait dans sa bibliothèque des livres qui concernait la préhistoire. Il y avait quelques copies, par exemple, de l'Espug. Donc, Picasso, il avait deux copies, une entière reconstituée et l'autre accidentée, telle qu'elle a été accidentée par la pioche de l'ouvrier qui l'a découverte. Les petites Vénus. Et puis, les revues donc, qui reproduisaient les images étaient, comment dire, les artistes les dévoraient. Et alors, il y a beaucoup, on le sait, hein, de superpositions, d'entrelacs, d'emmêlements qui nous troublent aujourd'hui, parce qu'on se dit, bah, pourquoi il repasse, pourquoi il ne dessine pas à côté? Comment est-ce que vous regardez, vous, les archéologues, les chercheurs, justement, ces espèces d'entrelacs de lignes? Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, les palimpsestes, mais le pourquoi, alors, déjà, faut se dire que nous, on a la version finale de la grotte. C'est-à-dire que on arrive après certainement des générations de dessinateurs. Alors déjà, on se dit, ils ont fait des dessins sur les autres, sur les autres, sur les autres, mais ils n'ont pas effacé les dessins précédents pour en refaire. Donc ça veut dire que les dessins qui étaient déjà là participent également au message qu'ils ont voulu faire passer. Parce que en termes de génération, entre, on va dire, moins 36 000 et moins 12 000, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Et le message global, peut-être le fragment de mythe qui était sur cette paroi, ben, il est toujours là, sur autant de générations et autant de millénaires. Et les palimpsestes que l'on a dans les grottes nous démontrent que c'est toujours, entre guillemets, les mêmes images qui vont faire. On a des bisons sur des bisons ou des rennes sur des bisons, mais on n'aura jamais, je ne sais pas, un coucher de soleil sur des bisons. Et ça, par exemple, sur un site comme Angles-sur-l'Anglin, dans la Vienne, on le voit, puisqu'on a une association avec des corps de femmes et des bisons. Et à un moment, on efface les bisons pour faire des bouquetins. Mais on laisse les corps de femmes. Du moins, on efface. On transforme un bison en bouquetin. Donc, ça veut dire que le récit est là, mais bah, plutôt que mettre le bison en principal protagoniste, on va mettre le bouquetin. Or, on ne pourra jamais avoir le récit, on ne pourra jamais avoir l'histoire, on va dire, qui accompagne ces dessins. Quand vous dites que vous étiez dans un groupe et que deux groupes se sont unis, est-ce qu'il y a des rivalités entre groupes, par exemple ? Oui, bien sûr, il y a des rivalités entre les groupes. Ça se traduit comment ? Ah, ça se traduit par je te repasse ta pièce, je mets des traits sur ta pièce, je mets des toys. Après, ça peut aller plus loin jusqu'à se taper. Le monde du graffiti est plein de légendes. Là, bon, on est à Marseille. Avant, il y avait un énorme antagonisme entre Marseille et Paris. On ne pouvait pas se saquer, tout simplement. Quoi. Ça veut dire que quand on vient à Paris, on met son nom partout, et quand on vient à Marseille... Ça veut dire que, par exemple, il va y avoir des cas de... Il y avait, hein, ça n'existe plus, attention. Hein, mais de gens qui venaient ici pour touiller tout le monde. Ah, ils ont de la place, ils vont faire exprès de se mettre sur votre graphe. C'est, je t'emmerde. Comme des hooligans, quoi, quelque part. Mais ça reste assez marginal, quand même. Alors, on décrypte un dessin et on essaie de comprendre la manière dont il a été fait grâce à l'analyse du trait. Sur les superpositions de tracés sur une même figure, on peut vous dire bah, il a commencé par la tête, après il a fait le dos, après il a fait les pattes avant, etc. Quand on a des chronologies comme ça, on va décrypter l'image trait par trait. Et une fois qu'on aura décrypté un animal, on va les décrypter l'autre d'à côté, etc. Et quand on aura toutes les superpositions sur un même panneau, eh ben, on va reconstituer le panneau tel qu'il a été réalisé. Le but du jeu, c'est de revenir à la paroi vierge et comprendre comment les animaux ont été installés les uns par rapport aux autres. Et en fait, savoir si on est face à des compositions ou à de simples accumulations. Et on se rend compte que dans toutes les grottes ornées, on n'est pas face à de simples accumulations, mais à de véritables compositions. C'est pour ça qu'on en est venu à penser qu'on nous racontait quelque chose. Pourquoi le remplissage en premier et les contours en dernier ? Pour que ça aille plus vite ? Si je devais faire mon... D'abord mon contour, après mon remplissage, certainement, je dépasserai sur le contour. Donc il faudrait que je refasse mon contour. Donc là, hein, je perds du temps. Deux, si je refais mon contour, justement, on ne verra pas le trait. Le trait original. Le trait sera trafiqué. Et un trait, c'est beau. Pas besoin qu'un trait soit propre, net. Un trait même flou, ça peut être beau. Comment ces artistes font pour créer du volume, des ombres, pour, je sais pas, avoir des effets comme ça un peu, parfois on a l'impression que c'est un peu fumé, un peu flou. Eh ben voilà, nous, on a l'habitude de voir les choses en 2D, parce qu'on regarde des peintures de chevalet. Et dans les peintures de chevalet, les artistes essaient de restituer la 3D. Ils restituent la 3D. Eux, leur peinture de chevalet, c'est la 3D en direct. Donc en fait, on a une projection mentale sur cette 3 dimensions. Et en plus de la projection mentale, on a un système d'éclairage qui est le feu. Que ça soit des feux au sol ou des torches, mais pour faire des grandes fresques, il faut des feux au sol. Hein, on ne fait pas ça à la torche. Eh bien, le feu va faire aussi jouer la paroi, danser les volumes. Et cette projection mentale sur ces volumes qui dansent, eh ben, ça nous donne les grottes paléolithiques aujourd'hui. Et il y a un plaisir, une ivresse comme ça à tracer. Il y a une ivresse de la gestuelle, en fait. Dans le tag, moi, j'adore taguer. Les tags, je peux les faire les yeux fermés sans regarder ce que je fais. Et j'aime quand ma main fait des grands gestes, en fait. Ce côté libérateur du grand geste. Il y a une ivresse, ça fait presque tourner la tête. En plus, les gaz sont nocifs. Ça saoule presque. Le geste et la courbe, c'est certainement ce qui définit le mieux cet art. La ligne de dos d'un animal n'est pas rectiligne. Vous avez une courbe, un creux, une courbe. Et c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et ça, que ça soit de petite dimension ou que ça dépasse l'amplitude gestuelle, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous déplacer pour aller continuer cette ligne, eh bien, vous restez sur la même tracée et vous voyez qu'il n'y a pas d'arrêt et que ça se fait en marchant, si je puis dire. C'est ce qui fait l'art paléolithique, c'est la ligne. Et cette ligne, elle est fondamentale puisque en art, c'est le contour qui détache la forme du fond. Et la qualité du dessin, elle est dans le fait que cette ligne, elle permet l'identification de la forme. La distance, c'est très important. Regardez, je suis loin, j'appuie, ça fait de la vapeur. Je suis prêt. Alors là, elle est pâteuse, c'est le début, ça coule. La pâte, ouais, là c'est le début, ça, c'est le début de la bombe. Il y a de la pâte, j'ai pas remué. Si je remue, là, il y aura moins de pâte. Ça c'est des bombes allemandes, trop. Donc la distance, en fait, ça fait vraiment énormément de choses. Le trait, c'est le compromis entre la distance et la rapidité. Regardez. Là, je vais très doucement. Je suis loin. Ça fait un trait diffus, gros. Je vais vite et je suis collé. Ça fait un trait fin et plus précis. La distance fait tout. Le mouvement du poignet fait que ma distance change et donc mon trait va être différent. Si je fais... Oui, en fonction de l'inclinaison, du poignet, on va faire des traits plus ou moins gros, plus ou moins vaporeux, plus ou moins coulants. La coulure peut être cherchée. Voilà, ça coule, c'est pas grave, pour moi c'est très bien comme ça. Est-ce que c'est la paroi qui appelle le récit ou là, ça on ne le saura jamais? Par contre, on sait que la scénographie joue un rôle fondamental. La grotte est utilisée dans son espace global, que ce soit des grandes salles ou des petits passages sur lesquels on va faire quelques dessins, etc. Donc c'est important. Et vous préférez quoi comme surface? Vous cherchez quoi? Le métal, je préfère. Sur le métal, ça va vite, parce que la peinture couvre mieux, bien sûr, ça n'absorbe pas. La peinture brille plus. Elle éclate presque. Et après, vous avez l'histoire de l'interdit. Donc quand on dit métal, en fait, on pense au train. Je trouve ça plus marrant de faire quelque chose d'interdit. Le graffiti, ce sont les graffitis antiques. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, l'art pariétal. Et surtout, les graffitis de la vie de tous les jours. Ceux que l'on croise dans la rue, sur les murs des écoles, des toilettes ou des universités. Et les situationnistes, et parmi eux Guy Debord, ont beaucoup photographié les graffitis. Ils les ont fait circuler. Ils avaient repéré leur potentiel subversif et leur capacité à échapper à tous les circuits institutionnels et artistiques pour faire passer des messages, du genre « ne travaillez jamais ». Et logiquement, les situationnistes seront à l'origine d'un certain nombre de slogans des affiches produites par l'Atelier des Beaux-Arts en mai 68. Bref, les situationnistes et les artistes du groupe Cobra ont utilisé le graffiti dans leur travail. Alors, Asghar Yorn est un des membres fondateurs du groupe Cobra, un des membres fondateurs de l'international situationniste. Dans le contexte de Cobra, les formes marginales de la création, les graffitis, les dessins d'enfants, sont effectivement intégrées à la pratique, voire plutôt recherchées et valorisées. On retrouve dans les pages de l'international situationniste des reproductions de graffitis politiques utilisées notamment dans des manifestations. Et donc le graffiti est élu en quelque sorte comme une forme permettant le dépassement de la culture matérielle, plastique et marchande de l'art. On peut penser aux peintures réalisées par Gilles Volman, par exemple, à celle d'Asgarian qui emprunte au registre du graffiti sur la toile. Jan va chercher aux puces ou ailleurs des petites toiles tout à fait mignonnes, des toiles peintes, kitsch parfois, qu'il caviarde de nouvelles inscriptions, souvent moqueuses. Jorn, dans l'exposition, il y a un tableau, c'est le tableau d'une fillette avec une corde à sauter. Et sous cette surface, il vient inscrire le mot « l'avant-garde se rend pas ». Ne se rend pas, mais se rend pas, avec ce petit jeu sur aussi cette faute d'orthographe. Et par là même, il se revendique du côté de vandalisme. Il revendique ce geste barbare comme un signe identitaire. Et il en fait une proposition d'avant-garde artistique pour venir critiquer cette manque de vitalité qui était celui de la peinture académique en le réactivant. Donc il le dit véritablement que ces modifications redonnent la vie à cette peinture, ce carcan de la peinture académique. On a écrit l'histoire du graffiti contemporain principalement autour d'une valorisation esthétique du graffiti dans des artistes qui pratiquent à la fois le graffiti urbain et qui n'opèrent plus nécessairement une distinction si marquée entre la production qui se situe dans la rue et ce qui se passe dans l'atelier ou le lieu de création mais sur les toiles. Bon, on pense évidemment à cette génération de Basquiat, de Kissering qui emprunte au registre du graffiti. Et effectivement, c'est plutôt par ce biais-là que le graffiti est entré dans les musées. Là, on est dans les réserves du Mucem, pas loin de la friche de la Belle de Mai à Marseille. On circule dans de grands entrepôts climatisés dans lesquels on croise des horloges, des lits clos, des pierres tombales, des crèches, des instruments de musique, des berceaux ou des chaises. Le Mucem a hérité des collections du Musée des Arts et Traditions Populaires et c'est aussi un musée d'anthropologie culturelle qui continue à collecter ce qui concerne nos vies contemporaines. Et là, c'est Elia Pockner, responsable des collections hip-hop et graffiti, qui fait le guide. L'espace où on se trouve vise vraiment à donner au public un aperçu de l'ensemble des collections du Mucem. Et ce qu'on a sous les yeux, c'est un échantillon des collections liées au hip-hop et au graffiti. C'est à la toute fin des années 90 qu'une anthropologue du CNRS attachée au Musée national des arts et traditions populaires, Claire Calogirou, a commencé à documenter cette culture et à mener des entretiens, à nouer des contacts et petit à petit à constituer les collections qu'on continue aujourd'hui d'enrichir aussi bien que possible. Vous mettez des gants ? Je préfère puisque l'humidité et l'acidité qu'on a sur le bout des doigts et les matières grasses peuvent vraiment altérer le devenir des matériaux. Alors, donc nous sommes dans une étroite rangée de tiroirs. On peut ouvrir un tiroir. Et qu'est-ce qu'on y aperçoit ? On y aperçoit des tickets de train qui témoignent de voyages de graffeurs. Et puis, deux books qui sont un peu des trésors, parce que les books sont des pièces rares, sont le témoignage de toute une carrière de graffeur, des preuves à charge aussi. On reconnaît la signature de Bando sur la couverture, en haut à droite, Motu aussi a posé son tag, une date, 86, Dark. Motu, il a recouvert Paris à un moment. Et bien justement, ce book, qui est donc le book de Dark, montre à la fois des esquisses, des signatures et des photographies du terrain vague de la Chapelle et de Stalingrad en 85-86. Et là, un trousseau de clés, donc il y a une douzaine de clés, certaines très, très classiques et puis d'autres beaucoup plus techniques avec des profils triangulaires ou carrés. Donc c'est vraiment les clés qui permettent d'accéder au métro de New York et d'y entrer La nuit. La nuit, pour aller peindre. This is dedicated to all those hardcore acts. Yeah, you know them brothers that we used to look up to that fell the fuck off. And now they're doing all that R&B shit. Rocker. Need rhythm and blues? No, rap and bullshit. Alors là, Elia Paupner, on est devant un cahier qui est un cahier d'écolier, de ces cahiers noirs et blancs, un peu tachetés, qu'on trouve aux États-Unis. Et donc là, en fait, il est recouvert. Là, vous avez feuilleté un certain nombre de pages, vraiment d'écriture. On dirait presque quelqu'un qui est puni, qui a dû faire des lignes, quoi. C'est-à-dire que c'est des répétitions et des répétitions et des répétitions de signatures, de lettrages. Ouais, en fait, c'est le travail nécessaire au développement du style. Donc ce qu'on voit partout, c'est... Alors, il y en a 5 par ligne et toutes les lignes de toutes les pages du book en sont couvertes. C'est John Wan, John Wan, John Wan, John Wan, John Wan. Let's get busy. Alors là, donc, c'est peint à deux. On s'est séparé le truc. Ben, en fait, moi, j'ai fait le tracé pour que les lettres soient dans le même style. Alors, dans le graphe, parfois, souvent, il y a des binômes. Moi, c'est pas mon cas. Je suis plutôt un writer solitaire. Et vous dites, vous êtes un writer, ça veut dire que vous écrivez, dessinez ouais, pas. Ça. Alors là, il y a un peu de dessin parce qu'il y a des personnages autour, mais mon objet principal, c'est la lettre. Et on dit writer parce que c'est ce qu'on fait, on écrit. Le terme graffiti en lui-même est-ce bien adapté? Je suis pas sûr du tout. Pour moi, un graffiti, c'est quelqu'un qui écrit son nom, mais qui réfléchit pas forcément à la forme. Ou alors il va faire peut-être un logo, ou il va faire un petit personnage, ou écrire un slogan politique, ou pour un club de sport, ou pour... Aller l'OM. Aller l'OM, au hasard. Or nous, ce qui compte, c'est vraiment le rendu de la lettre. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle des writers. Futura is my name, and I say graffiti. It's where I got my fame, but it's not my fame that I'm here to claim. I want to tell the real story about my game. Merci à Francesca Alberti, Yann Bodard, Hugo Daniel, Carole Fritz, Elia Paupner, Maria Stavrinaki et le graffeur Sik. Merci aussi au MUCEM et à la Villa Médicis. Prise de son, Morgane Danan, Yvan Turc, Maï Tran, Georges Thau, Sébastien Ruel, Hélène Langlois et Patrick Muller. Mixage, Éric Villenfin, documentaliste Ina Delphine André, écoute et choix des archives, Pauline Mijevan-Lépine. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Une histoire du trait, dessinée sur les murs, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Assia Ralid.